Police rendait des mondes, Schmitt, la haine, les man, et on nous demande d'être bons. J'ai connu des man, j'ai connu des man. J'ai connu des man, j'ai connu des man. J'ai connu des man, la police rendait des mondes, Schmitt, la haine, les man, et on nous demande d'être bons. Mais j'ai connu des man, la police rendait des mondes, Schmitt, la haine, les man, et on nous demande d'être bons. Mais Pika et Rakaï, on la même rime, c'est parce que Flika et Raka, ils n'atteindront jamais la cible. Censés nous protéger, ils ne font que nous tuer. Moi je rêve d'une justice sans con, d'une justice digne de ce nom. Les Maduro auraient disparu, et les gardiens de la paix seraient réapparus pour remplacer ces frustrés que l'on doit supporter. Remplacer ces frustrés, symbole d'agressivité. Remplacer ces frustrés que l'on doit supporter et qui ne sont qu'un symbole d'agressivité. J'ai connu des man, j'ai connu des man. J'ai connu des man, j'ai connu des man. J'ai connu des man, la vie sort des démons, des Schmitt, la haine, man, et on nous demande d'être bons. Mais j'ai connu des man, la vie sort des démons, des Schmitt, la haine, man, et on nous demande d'être bons. Mais leur complexe d'infériorité n'est pas neutre dans le déclin de notre société. Ils ont rendu mes frères hargneux, suicidaires, et le gouvernement ferme les yeux sur ces démons que l'on se tue entre nous. Les arrange bien ainsi, l'on passe salir les mains et finisse le boulot. En garde à vue, à l'abri des regards inconnus, et tu sais qu'il n'y a pas besoin d'entrer dans ma cabine. La violence déjà trop vite, bien trop vite celle-ci. Elle avance alors si ceux qui sont censés l'empêcher de se propager. La diffuse qu'en retrouverons-nous le chemin du respect. Car j'ai connu des mailles, puissants des démons, des Schmitt, la haine émanée, on nous demande d'être bons. Mais j'ai connu des mailles, que glissant des démons, des Schmitt, la haine émanée, on nous demande d'être bons. Mais je sais que vous n'êtes pas tous comme ça, m'excuseront tous. tous les policiers qui se sortent du tas, des polices non crédules. Je ne te laisserai pas faire devant vous, jamais on ne recule. Vous aurez votre guerre, vous nous enlevez bientôt de liberté. Mais c'est fini, nous nous sommes réveillés. Alors acceptez que nous puissions nous révolter, car sans vraie justice, jamais nous pourrons avancer. Je connais des mâles.